toi. Je m'en bats de ce que tu penses de moi. Je n'ai pas de temps, j'ai tant de choses à faire. Pour rappeler l'ambiance de ma trente de guerre. T'as trouvé ton style, rapper sans bon, sans profil. T'as raté les années 80, appelons à ta vitesse de nos jours à 20. Coupe-moi les mains et je touche tous les vaux. Coupe-moi les piles, je rappe sans micro. Tu ne trouves pas quoi écrire, je ne trouve pas de feuilles vides. C'était une old school, t'es trop jeune. C'était old school, t'es trop vieux. Pour le clash, passe le mic, c'est mieux. Tu ne peux pas abattre tes quatre couilles en feu. Stichst du deiner Frau die Augen aus? Stress ist wie Flyer verteilen, mein Freund, geht rein.